De la musique rock retentit chez toi. Ta famille ce sont les SMGL. Ta maman est plein de foi. Et ta belle mine lui donne des ailes. Visage désastre horrifique. Âme délicieuse, magnifique. Ceux qui te découvrent ont peur. Mais ceux qui connaissent chantent en cœur. Oh Johnny, que tu es beau à l'intérieur. Ton cœur appartient à un ange. Gueule qui engendre le mépris. Mais on oublie tout après chant. Les visages méchants ne te dérangent plus.